Schmeiß ihr. son Mercutio. Je parie que la reine Mab t'aura visité. Mab, la messagère fière et légère. Une coque de noix que l'écurie a façonné. Les doigts de l'araignée ont filé ses amas. Dans les nuits, la fée, dans ses mains équipages, galopé pour le mort, dans le cerveau d'un page. Rêve, espère tout. Poursuivant sa promenade, la petite reine s'en va sur le col bronzé d'un soldat. Il rêve camarade et vives estocades, le tambour, la trompette, et sa vie d'abrager les péages dans toujours. Avec ses camarades, c'est Mab qui faisait tout ce bacchanal. C'est elle encore qui dans un rêve habille la jeune fille, et la ramène au pas. Mais le coq chantait, les gens priaient, Mab fuit comme un éclair dans l'air.